بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم رف منار الدين وهدم أفكار دعاة التسامح مع الكافرين. Le fait d'honorer la religion par ses vraies valeurs et d'annihiler des idéologies de ceux qui appellent à l'indulgence ou tolérance avec les mécréants. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, hafizahullah ta'ala. Neuvième leçon. Alhamdulillah, as-salatu was-salam ala nabina Muhammad wa ahlihi wa sahbihi man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Naam. Fi ad-dars al-madi madha aqadna min shubuhat? نعم كيف قوله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن مثلا ايوه qu'il prenne les versets et les sortent de leur contexte totalement hors contexte car des versets des fois peuvent avoir une utilisation générale comme yokol أن العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب. Que l'on prend en considération la généralité englobée par les termes du verset et non pour la cause spécifique de sa descente. مثلا pour les adillala, pour les appliquer avec les kuffars, les chrétiens, pour les appeler l'islam, on dit non, tu ne peux pas, car tu as d'autres adillala qui te démontrent que cette compréhension que tu as du verset n'est pas bonne. Si maintenant tu avais une chose générale, il n'y a rien qui contredit. Mais là tu as d'autres versets, wadiha, qui te démontrent que la façon dont on s'y prend avec eux n'est pas comme ça. Donc cette règle-là, on ne peut pas l'appliquer là maintenant, ce verset-là, dans ce cas-là. Naam, tayyib. Et qui sont ceux envers qui on peut être bienfaisant et équitable? Parmi eux, qui sont-ils? Les kuffars. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Qui sont-ils? Parmi les kuffars. Que Allah ne nous a pas empêchés d'être bienfaisants et équitables envers eux. Qui sont-ils, ces kuffars? Ceux qui ne sont pas combattus en religion. Et qui ne nous ont pas expulsés de nos maisons. Est-ce que tout kafir qui ne nous a pas combattu en religion dit qu'il est expulsé de notre maison, on ne le combat pas? Donc qui sont-ils, ces gens, concernés par ce verset? Là, pas de ce verset-là. Pas sûr, c'est un autre verset. Et Nahou. Ce n'est pas ce verset-là. Moi, je veux le verset fi qouli ta'ala la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum. An tabarru wa an tuqsitu ilayhim. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. C'est le verset-là que je veux. Dans Al-Mumtahina. Qui est que Allah ne vous empêche pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu en religion ni expulsé de vos maisons. Et que Allah aime les gens équitables. Qui sont les koufars concernés par ce verset? Là, tu as confondu tout le verset, toi. Ah, c'est les vieux, ah oui, c'est ça. C'est les enfants, les femmes, les enfants et les gens. Les gens faibles et les gens de religion. Toi, tu as confondu avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. Ne débattez pas avec les gens du livre si ce n'est de la meilleure des façons, hormis ceux qui ont été injustes. Là, oui, ce verset concerne les gens du livre qui sont réceptifs à la fête de l'islam. Et إلا الذين ظلموا, on a dit qui étaient-ils? Ceux qui n'acceptent pas, même s'ils ne te combattent pas. même s'ils ne font pas preuve d'animosité envers toi, qui sont corrects, comme on l'a dit la dernière fois, même eux, quand le combat est lancé, ils sont concernés. Hormis s'ils étaient des femmes, des enfants, des gens faibles physiquement qui ne peuvent se défendre, ou des hommes, de djinn, de chez eux je parle. Comme les prêtres et les rabbins, dans leurs églises et dans leurs synagogues, bien entendu. Taïeb. Alain Wassil, toujours parmi la preuve de cette indulgence envers les koufars, la preuve plutôt, on va dire leur chouboua, car une chouboua c'est une chose qui ressemble à la vérité qui ne l'est pas. Pour eux, c'est une preuve. Pour eux, c'est un dalil. Dans leur i'tiqad, sur quoi ils se basent, c'est un dalil pour eux. Tu lui dis, c'est quoi ta preuve? C'est-à-dire qu'on l'a dalili, kaza wa kaza wa kaza. Lakin fil haqiqa, hadha lisa bi dalil. Innama shubha. Naam. Donc leur shubha, c'est quoi? Fi qawlihi ta'ala, fabima rahmatin min Allah linta lahum, wa la kunta faddan ghalidh al qalb, lan qaddu min hawlik, fa'fu anhum, wa staghfir lahum. Donc, le sens approximatif serait, et ce n'est que par miséricorde d'Allah que tu as été si doux envers eux, et que si tu avais été rude, hein, et dur de cœur, qu'ils se seraient enfuis de ton entourage. Alors pardonne-leur et invoque pour eux le pardon. Donc ce verset est parmi leurs shubuhat. Et ce verset-là, une fois de plus, est employé en contexte. Donc le shir cite la parole de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, fi hadhihi al-aya. Faqal, yaqulu ta'ala mukhatiban rasulahu sallallahu alayhi wa sallam, mumtannan alayhi wa ala al-mu'minina fima alana bihi qalbahu wa la ummatih. المتبعين لأمره التاركين لزجره وأطاب لهم لفظه فبما رحمة من الله لنت لهم. Qu'il dit dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala là s'exprime, tourne son discours vers son messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'il l'a gratifié d'un cœur doux envers les croyants de sa communauté, ceux qui suivent son ordre et ceux qui délaissent ce qu'il interdit, c'est-à-dire ses réprimandes. Donc, il employait ces termes. Dans le sens, ce n'est que par miséricorde d'Allah que tu as été si doux. Donc ce verset concerne tout le monde, mais non, concerne les muslimines. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce cœur doux, ceux qui en ont profité sont les muslimines, qui ont suivi son ordre et qui ont délaissé ses interdits, c'est-à-dire ceux qui sont obéissants. Ensuite, l'imam Nukathir cite à d'autres arguments par rapport à ce verset, mais ils sont relatifs à la langue arabe, donc Inch'Allah, on ne va pas les citer. J'arriverai pas à les traduire. Quand vous savez maintenant là, que tout ce qu'on fait là, comme tu peux le voir, souvent à part certains mots, c'est une traduction spontanée sur le tas. D'ailleurs, là, j'ai devant toi, à part des fois quelques mots vite fait que je cherche auparavant. C'est vrai que des fois, tu vois, je cherche le mot, j'ai oublié comme on dit. Si t'as mis un livre que je vais traduire, je prends plus de temps, je retrouve le mot. Et là, c'est sur le tas. Alallah, namshi. C'est une traduction, en fait, pour un commentaire, pas une traduction pour du mot à mot pour un livre. Par exemple, comme demain, on dirait que je serais amené à traduire ce livre, par exemple. Là, ouais, je traduirais chaque phrase telle qu'elle est, etc. Là je donne le sens. Vous voyez, je donne le sens. Et des fois c'est sûr que le mot ne vient pas forcément sur le coup. Ou des fois quand je relis le ders à l'avance, je l'ai, et puis j'arrive, je l'ai plus. Le mot, je l'ai oublié. J'avais le mot exact, approprié, je l'ai oublié. Naam. Hormis pour certains versets, bien entendu. Sinon souvent, la plupart des versets, c'est sur le tas. Donc ce verset ressemble à la parole d'Allah où il dit dans le sens, où il dit plutôt لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Que certes, un messager vous est déjà venu à qui pèse lourd les difficultés et qui est plein de sollicitude pour vous et compatissant et miséricordieux envers les croyants. Ce verset va expliquer. Concerne qui ? Les croyants. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas pour les koufars. Vous voyez, ce n'est pas pour les koufars. Donc, comme tu le vois, ces gens-là ont toujours la fâcheuse manie de prendre ce qu'ils pensent être des adillahs pour les mettre dans ce qui leur convient, pour rappeler les gens à leurs égarements. Car tu ne peux arriver comme ça à plein d'égarements sans avoir avec toi du chouboué, sinon personne ne va t'écouter. Il faut que tu trouves quelque chose. Les gens vont dire, mais sur quoi tu te bases pour dire cela ? Il faut qu'ils trouvent quelque chose. Donc il va trouver un verset et te le mettre hors contexte. Et cette façon de faire s'appelle de l'ilhad. Avec les versets également. Ilhad. C'est le fait justement de les sortir de la vérité pour pencher vers le faux. Comme le shir l'a dit. هذا نوع من الإلحاد في آيات الله والميل بالأدلة عن مدلولها. Que les versets sortent de ce sur quoi ils ont été basés, ce à quoi ils amènent. Tamam. Ensuite, il vient avec une autre shubuhat, qui est le respect de la valeur humaine. Ce besoin sera par d'Allah. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sourate Al-Isra. Dans le sens Allah, il dit: nous avons certes honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, et sur les mers, et nous leur avons octroyé des bonnes choses, c'est du sens. Et nous les avons préférés à beaucoup de ceux que nous avons créés. Les fils d'Adam ont été mis en avant. Par exemple, tout ce qui a été mis sur terre, c'est pour qui ? Naam. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Il vous a créé tout ce qui est sur terre pour vous. Donc tout cela est à notre disposition. Et parmi ces choses-là, certaines choses sont haram. Et elles sont une minorité par rapport au halal. Pour justement que Allah voit qui lui obéit. Tu as tout ça, sauf ça, ça, ça, ça. Donc avec tout ce que tu as à côté, tu trouves le moyen d'aller là-bas, c'est vraiment que tu veux désobéir. On te donne tout pour te faire oublier le haram, et toi tu veux le haram. Par exemple, avec le nombre de choses ici qu'on a, les gens trouvent le moyen de vouloir faire du haram. Toutes les viandes, toutes les chairs animales que l'on a qui nous sont licites, malgré cela, les gens ils veulent du porc. Mathalen. On dit, regarde tout ce que tu as comme viande. Laisse celle-là. Non, c'est celle qu'il veut. Et c'est parmi ceux qui est le plus consommé. La viande de porc. Dans le monde. C'est comme le mariage et la polygamie. Allah subhanahu wa ta'ala, quand sa sagesse, te dit, on te dit pas, tu es comme les prêtres là, ils font, genre, ils se marient pas d'après eux. Mais ils se marient pas, mais ils vont voir les petits garçons par contre, tu vois. Ça va louper. On dit pas, soit comme ça. Jamais. Justement. Et épousez ce qui vous plaît parmi les femmes, 2, 3 ou 4. Parce qu'à la fin, il dit, ou une, à la fin, après qu'il ait cité les causes, ce serait plus correct plutôt que tu deviennes injuste. Tu crains d'être injuste, une seule. Donc regarde. Wa qala ta'ala, wa la taqrabu zina. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Il n'approchait pas la fornication, car ça, t'allais à un mauvais sentier, une turpitude. Et malgré cela, on leur dit, marie-toi. Tu peux en avoir 2, 3, 4, mais tu te maries dans le licite. Non. Il préfère avoir une petite copine dans le haram, d'après lui, ce qui ne peut pas s'en passer, alors qu'on propose 4 dans le halal. S'il ne craint pas d'être injuste, bien sûr. Non. Malgré cela, il veut aller faire le haram. Tu comprends? Après, on va dire, en islam, on est dur. En islam, on te propose 4 femmes si tu veux. 4. 4. C'est pas 2. C'est pas 3. Tu peux aller jusqu'à 4 si tu veux. Si tu arrives à supporter et à patienter et être juste. 4. Non. Lui, il veut zina. Khalas. Donc, Yom al-Qiyama, tu ne pourras pas dire que tu n'as pas eu le choix. Tu as eu le choix. Justement, il va dire tant de femmes sur terre. Tu dis, bah oui, seulement 4. Un jour viendra où tu auras un homme pour 50 femmes. Un homme pour 50 femmes, je ne sais pas si tu réalises. Et parmi les 50, tu as droit à 4 seulement. T'en restes toute seule. Skina. Mais bon, comme dans la machapa, elle. Donc, dès maintenant qu'on sait où ça sont bien, à courir pour que les hommes bien vous choisissent. C'est-à-dire, dès maintenant, prépare-toi et tu te sers bien pour qu'un frère de bien te choisisse. Ah, moi, c'est une sœur qui n'est pas bien. Tu seras parmi les, on va dire, 46e délaissés, malheureusement. Donc, ce verset, hein, Imam Nukathir, rahimahullah ta'ala, il dit quoi? Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a honoré les fils d'Adam. Il dit, يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم. Que Allah informe de son anoblissement, je pense qu'on peut dire comme ça, qu'il a anobli fils d'Adam. وتكريمه إياهم. Et qu'il les a honorés. في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكمالها. Qu'il les a créés de la meilleure forme, meilleure apparence. كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Nous avons fait créer l'homme sur la meilleure forme, l'apparence. Et yamshi qa'iman muntasiban ala rijlay, qu'il marche debout ses deux jambes. Wa ya'kul biyaday, qui mange de ses deux mains. On va dire de la main droite à la base en islam. Mais qu'à la base l'être humain est en mesure d'user de ses deux mains. Mais en islam, c'est sûr, c'est la main droite. On pense à Shaitan. Wa ghayruhu min al-hayawanat yamshi ala arba wa ya'kul bifami. Alors que les autres animaux, les autres animaux, ils marchent à quatre pattes, la plupart d'entre eux, et mangent avec leur bouche. À part peut-être le singe qui mange avec ses mains, qui peut marcher debout, le kangourou. Les animaux comme ça, mais ils sont rares, c'est pas nombreux. Qui marchent sur ses deux pattes et qui mangent avec ses mains, t'en as très peu. Très peu. Là, j'ai en tête que le kangourou et le singe. À la colline, Wajalahu Saman, il lui a accordé l'ouïe. وبصرًا la vue وفؤادًا يفقه بذلك كله, et un cœur par lequel il comprend et saisit les choses, il cerne les choses. قال عقل اللي هو العقل في القلب. نعم. وينتفع به, et par lequel justement il tire profit. ويفرق بين الأشياء, il discerne entre les choses. ويعرف منافعها وخواصها ومدارها في الأمور الدنيوية والدينية, qu'il arrive à distinguer entre les choses, ce qui lui est bénéfique, ce qui va lui nuire, hein, dans les choses de mondaines et les choses religieuses. L'être humain arrive à distinguer. Là, c'est la race humaine, dans son ensemble. Un kafir, comme un muslim, distingue dans ce genre de choses. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, et nous les avons transportés sur mer et sur terre, ou sur terre et sur mer, et à la dawab ou al-an'am ou al-khayl, c'est-à-dire sur les animaux qui prend comme monture. Ce n'est pas un animal qui grimpe sur toi, c'est toi qui grimpe sur lui. Donc l'animal, t'es assujetti. Ou al-birel, le birel c'est le mulet. Fil bahr aidan à la soufoun al-kibar ou sigar, et sur la mer, sur les bateaux. Les gros et petits bateaux. Donc tout ça est à notre portée, à notre disposition. Pour aller sur terre et sur mer. Aujourd'hui, on a quoi même? Les avions. Les avions pour la voie aérienne. Que Allah nous a assujettis par sa grâce. Nous avons octroyé de la subsistance. Et min zurur wa thimar, de l'agriculture et des fruits. Wa ruhum wa alban, des viandes et des laits. Min sa'ir anwa ta'am wa alwan, toutes sortes de nourriture. El mutashabiha el ladhida ou el munaziratil hasana, celles qui sont de belles couleurs, de belles apparences et de bon goût. Ou el malabis el rafi'a min sayr el anwa' الاختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها بما يصنعونه لأنفسهم. Également parmi les vêtements, d'accord, les habits qui nous sont utiles, de toutes sortes, avec leur diversité dans leur conception, dans leur couleur et dans leur forme, de ce que l'on fabrique nous-mêmes pour nous-mêmes. Là, il parle attention, Bani Adam, tout ce qu'on a, que Allah nous a assujetti. Quand tu vois ça, subhanallah. Malgré ça, l'homme veut être tout nu. Tellement de vêtements pour tes mains, et malgré cela, l'homme cherche ce qui est le plus court, le plus serré, le plus transparent. Regarde. فَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Que Shaitan nous embellit nos actions, mon frère. Tout ça, et toi, malgré cela, voilà. نسأل الله العافية. ثم في قوله وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Et nous les avons préférés sur beaucoup de ceux que nous avons créés. C'est-à-dire des animaux et des autres créatures. Fin de parole de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Également, ce verset, c'est-à-dire وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ a été éclairci par un autre verset. Qui est-il? Dans At-Tin, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. Que nous avons certes créé l'homme sous la meilleure apparence, la meilleure forme, puis nous le ramenons au plus bas. Hormis ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres. Eux auront une œuvre continue, incessante. Afwan, une récompense incessante continue. Quelle est-elle? Jannah. Quand même. Donc ce verset est ukhilef dans son interprétation. Et Ibn Kathir va donner, il va exposer ici quel est le rajih, prépondérant l'avis le plus juste. Et il est clair. La divergence là, qu'il va citer, l'avis prépondérant sera clair. فقال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم donc on sait créer l'homme de la meilleure apparence هو المقسم عليه وهو انه تعالى خلق الانسان في احسن صوره يعني que là que Allah subhanahu wa ta'ala celui qui jure والتين والزيتون il jure au début par sa création et que Allah a créé l'homme sous la meilleure image apparence. D'accord. Comme l'homme constitué, c'est la meilleure apparence. Avec ses membres, c'est la meilleure chose qu'il puisse avoir. Demain, par exemple, un homme qui aurait 6 doigts, ça ferait bizarre. La salade. Un homme qui aurait 3 oreilles, ça ferait bizarre. Et malgré ça, l'homme s'efforce à trouver des créatures, une existence pour lui. Par exemple, il va faire un cyclope, un homme qui a un seul œil. Il va faire un centaure, un homme qui a un corps de cheval. La salade. Il va faire je ne sais pas quoi. On lui dit, la meilleure apparence, c'est la tienne. Ne cherche pas à mélanger les choses. Il va te faire une sirène. Célène, il cherche des choses hallucinantes. Tu lui dis, pourquoi tu ne te contentes pas de ce qu'on t'a donné? Tu es la meilleure apparence. Qu'est-ce que tu veux te dire? Ouah, tu veux aller te mutiler, t'entends les dire. La plus belle apparence, c'est la tienne. Non, il veut toujours en faire plus. Thumma radadnahu asfala safilin. Puis, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Là, il y a un khilaf. Le kathir dit, il est un nar, c'est-à-dire au feu. Après, on le ramène au feu. Wa qala Mujahid, wa Abul Aliya, wa Al-Hassan, wa Abu Zayd, wa ghayruhum, thumma ba'd hadha al-husn, wa nadara masiruhu ila al-nar, in lam yuti' illaha, wa yadba' ar-rusul. Wa lihadha, qal, illa alladhina amanu, wa amilu s-salihat. Donc ces ulama, ils ont dit quoi? Mujahid, Abul Aliya, Wal Hassan, Yani Al Basri, Ibn Zayd, wa ghayruhum. Ensuite, après cette bonne apparence qu'il a obtenue, hein, sa destination est où? Au feu. Hormis, sauf celui qui aura obéi à Allah et qui aura suivi ses messagers. C'est pour cela que Allah dit Illa alladhina amadu aminu salihat. Hormis ceux qui ont cru et qui auront fait de bonnes œuvres. Et d'autres savants, قال سدي أصل السافلين أي إلى أرض العمر سدي على فيس ensuite on les ramène à la vieillesse. Cela a été rapporté de qui ? D'Ibn Abbas, de Ikrima, Tayyib. C'est aussi également l'avis de Ibn Jarir. Donc l'Ibn Kathir, il dit, si jamais, لو كان هذا والمراد لما حصنا استثناء المؤمنين من ذلك لأن الهرم قد يصيب بعضهم وإنما المراد ما ذكرناه انتهى الكلام. Donc il dit, si jamais l'objectif, ce qui était voulu, c'était comme eux l'avaient dit, quel aurait été le sens de faire une exception à la fin ? Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Le fait de sortir les mouminines du lot, les croyants. Pourquoi ? Parce que même les mouminoun, la vieillesse va les atteindre. Parmi eux. Parmi les croyants, certains vont devenir des hommes âgés, des femmes âgées. Donc où est l'intérêt de faire illa ? S'il y avait le sens voulu, c'est par là la vieillesse. Donc la vie authentique, c'est le feu. Que l'être humain sera amené au feu, hormis qui, ceux qui ont cru et qui ont cru de bonnes œuvres. Et wa'ada yashhadhu qawlu ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu ssalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Par le temps, certes, l'homme croit sa perte, l'homme, hein, le spécimen, le genre humain, sauf ceux qui ont cru et qui ont vrai de bonnes œuvres et qui s'en joignent à la vérité, qui s'en joignent dans la patience. La part est un istisna, une exception. Tous vont à leur perte, hormis cela. Là, c'est un verset qui vient pour appuyer l'autre. Donc, tous ces versets sont venus pour démontrer la grâce d'Allah et sa faveur sur l'être humain qu'il a distingué de sa création par rapport aux animaux et qu'il a créé sous la meilleure apparence. Et également que Allah a encore plus élevé ses serviteurs croyants qui eux ne seront pas justement ramenés au feu, contrairement aux autres. Il est asfal as-safilin wa yan-nar, c'est le feu, comme l'a dit Mujahid et d'autres. Et que également cet être humain, Allah subhanahu wa ta'ala lui a mis ses membres à disposition en vue de l'adorer, qu'il puisse justement accomplir ses actes d'adoration, ses obligations. Donc ces gens viennent pour louer ce qui ne mérite pas de l'être. Ils veulent louer maintenant le genre humain dans sa globalité. On dit non, le genre humain est loué par rapport aux autres créatures, par rapport à leur apparence, c'est ce que Allah leur a, c'est par quoi Allah les a gratifiés. Maintenant entre nous, non. Tu ne peux prendre ces versets pour égaliser entre nous. Le genre humain, on est tous. Non. Dans ce genre humain, il y a les croyants et les mécréants. Nous ne sommes pas égaux. D'accord, nous ne sommes pas égaux. Et il y a un article sur le site, justement, où j'ai traduit une parole de Shir, dans lequel, justement, il évoque les différences, parmi les différences, entre le croyant et le mécréant. Pour qui veut revenir, c'est l'adil, pour pas trop allonger le cours. نعم مفهوم هذا لليوم aujourd'hui on a pris quoi on a pris leur ambiguïté quant à la douceur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que celle-ci concerne qui les croyants et non pas tous les hommes et également les faveurs accordées à l'homme, les faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala accordait à l'homme. Et ces faveurs-là sont à comparer avec celles des. Avec les animaux. Et ces autres créatures. Et non pas les hommes entre eux. Pour nous rendre égaux sur un pédestal. Pour nous mettre sur le même pédestal. Cela n'est pas véridique. Cela n'est pas authentique. Et cela rend justement dans Al-Ilhad bil-Aya, comme on l'a dit. Et une tromperie envers les gens. Et un égarement évident. Et le prochain Ders sera sur l'un des versets qui porte le plus à confusion chez beaucoup de gens, même chez les musulmans. La ikraha fid din. D'accord ? Nulle contrainte en religion. Demain, Inch'Allah, la Shubuel sera par rapport à ce verset-là. Comme des gens disent, l'un des versets préférés des ikhwan musulmans. Pour pouvoir tout permettre. لا يكره في الدين. مفهوم هذا؟ طيب فإلى هنا والحمد لله رب العالمين. مع تحية دمام أفاق.